Bonjour à tous, bienvenue sur Radioactive pour cette nouvelle émission Les Retraités s'activent, une émission, vous l'aurez compris, en compagnie des retraités qui sont accompagnés par Entourage, service de lien social, rattaché à la communauté de communes Val d'Amboise. Nous nous étions rencontrés lors d'une première émission où chacun avait pu se présenter et aujourd'hui nous nous réunissons parce que nous allons discuter autour d'une idée un petit peu préconçue qui tendrait à dire que c'était mieux avant. Alors, est-ce que c'était mieux avant ou pas? C'est ce qu'on va tâcher de comprendre ensemble aujourd'hui. On va tâcher de discuter sur ce thème qui est assez large. Alors, aujourd'hui, autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Morissette. Et d'ailleurs, on démarre par Morissette parce qu'aujourd'hui, alors, on ne va pas cacher à nos auditeurs que c'est une émission enregistrée, mais il n'empêche que c'est son anniversaire à Morissette. Donc, un très, très bel anniversaire à vous. Merci beaucoup. Nous avons à côté Michel. Bonjour, Michel. Gérard est avec nous également. Bonjour. Michel number two, la deuxième Michel. Bonjour. Et enfin Pierrette. Bonjour. Alors, est-ce que c'était mieux avant, monsieur, mesdames? On va essayer d'y réfléchir ensemble. Alors, nous avons évoqué ensemble la nostalgie. Parce que finalement, le c'était mieux avant, on est souvent dans la nostalgie. Oui, Morissette? Oui, c'est vrai, parce que dans le temps, on se sentait déjà en sécurité pour beaucoup de choses. Et puis, la petite enfance, eh ben, c'est tellement merveilleux. On avait des quartiers entiers pour nous, pour jouer. On n'avait peur de rien. Oui. Vous me disiez, on faisait des kilomètres à pied pour aller à l'école. Ah oui, on faisait 3 kilomètres à pied, mais on retrouvait les copains, les copines. Et puis, on s'amusait. Il y a quelques fois, on arrivait en retard à l'école. Michel, c'est quelque chose que vous partagez, vous, comme opinion? Oui, je partage cette opinion parce que déjà, pour nous, l'enfance, c'est toujours quelque chose d'important. C'est... Mmh. Et puis, c'est vrai qu'à notre époque, il y avait la sécurité quand même. Enfin, moi, j'étais à la campagne, alors c'était encore plus calme, plus sûr. Et puis, on n'hésitait pas à aller voir les copains. Enfin, c'est surtout les copains, nous, qui venaient nous voir parce qu'on était sur le passage de l'école. Et puis, on s'attendait. Nous, on n'arrivait pas en retard à l'école parce que moi, j'ai une sœur, elle n'aurait pas permis. Mais c'est vrai qu'on prenait le temps de jouer. Pour moi, c'était une autre ambiance. C'était des jeux différents. Quoi. On n'avait pas tous ces jeux qu'il y a maintenant, mais on jouait avec rien. Quoi. Moi, j'ai souvenir de prendre des planches de fût pour faire des skis. Quoi. C'était des choses vraiment basiques. C'était système D. Enfin, pour moi, on savait mieux jouer à cette époque-là avec rien quoi, que maintenant. Ils ont des jouets et puis... Oui, on en discutait aussi de ça par rapport aux traditions de Noël. On en rediscutera ensemble tout à l'heure. Mais c'est vrai que la valeur des choses a changé. Voilà, la valeur des choses a beaucoup changé. Oui. Parce que nous, on n'avait pas grand-chose, mais on arrivait à jouer quand même. Et on s'amusait vraiment avec rien. Quoi. Alors Gérard, ça a été l'un des premiers, quand on a évoqué cette thématique, à parler de cette nostalgie à la fois des gens perdus et à la fois des ambiances d'autrefois. Ouais, je pense que on a les exemples déjà, là, on est tout de suite dans notre enfance. C'est-à-dire que la nostalgie, elle est complètement là. Moi, pour ma part, ce que je dis, c'était mieux avant, et que je repense à ces années-là, je m'estime être un enfant de 68, donc avec plein de bouleversements autour de notre vie. Il y a plein de choses qui changeaient, et puis c'est ce sentiment permanent qu'on avait de l'insouciance. Et surtout cette génération-là, justement, d'après 68, Et puis après, catastrophe, on arrive dans le monde des adultes et avec les responsabilités. Et puis c'était mieux avant, mais c'était pas forcément quelque chose de palpable. Mais le monde des adultes, aujourd'hui, on a tous ce palier-là, finalement. Oui, on l'a tous, bien sûr. Mais vous prenez les enfants de maintenant ou mes enfants-là, ils n'auront pas la même enfance que j'ai eue, parce qu'il y avait déjà des changements. Il y avait déjà des choses qui allaient et qui n'allaient pas, mais c'était la leur. Donc, automatiquement, ils la vivent bien. Et ils auront la même nostalgie de leur enfance que nous, on a des années 50, 60, 70. Oui, d'accord. C'est logique. Ils ne peuvent pas inventer. Ils auront la nostalgie de ce qu'ils ont connu. Et si ce qu'ils ont connu, c'est le Tamagotchi, par exemple. Ma fille avait un Tamagotchi. Elle se relevait même la nuit. Voilà, c'est ce que c'est, le Tamagotchi. Ah oui, je connais. Vous connaissez autour de la table, Pierrette, vous connaissez le Tamagotchi. Oui, il fallait les nourrir, tout ça. C'est ça. Voilà, je ne dis pas qu'elle va être là à regretter, mais ça fait partie de ses souvenirs et tout ça. Et ouais, il y aura une certaine nostalgie. Et mes petits-fils, ils auront aussi une nostalgie ou des grandes joies quand ils se rappelleront leur premier téléphone portable. C'est grincé, ce que je dis là, parce que Alors, le téléphone portable, c'est une horreur pour tout. C'est bien dans leur génération, mais au moins, un téléphone, c'est juste pour téléphoner. Quoi. Mm. Et c'est pas ce qui se passe maintenant. Mais cette nostalgie, elle fait du bien parce que... Il y a Morissette qui réagit en disant « Non, moi, je joue avec. » Non, mais le portable, pour le Covid, a été une... Enfin, ça a été indispensable. Parce que pendant le Covid, on n'aurait pas eu le portable pour communiquer en WhatsApp. Ou... Là, ça aurait été dur. Oui, à ce moment-là, précisément, c'est vrai que les portables ont eu cet avantage-là, de pouvoir rester en contact avec sa famille, ses proches. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin la grippe espagnole, elle a fait 2 millions de morts, beaucoup plus que le Covid. Mais ce n'est pas à cause qu'ils n'avaient pas de téléphone portable. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on pouvait communiquer parce qu'on était renfermés. Que quand il y a eu la grippe espagnole, ils ne sont peut-être pas renfermés comme nous, on s'est renfermés pour le Covid. Tout à fait. Alors, Michel, c'est quoi votre opinion là-dessus ? Alors, pour moi, on suivait les rayons du soleil. Ah oui ? Dès qu'il faisait jour, on était dehors. Et on attendait la nuit pour rentrer. Il y avait plein d'enfants dehors. Finalement, plein c'est pas comme aujourd'hui. Plein d'enfants de toutes nationalités où j'habitais. Aussi bien des Polonais, des Allemands, des Français, des Italiens, des Yougoslaves. Et tout le monde s'entendait à merveille. Vous êtes de Moselle, hein, Michel. Oui, je suis de Moselle. Tout le monde s'entendait à merveille. Tout le monde arrivait à se comprendre avec les parents, plus ou moins, dans un patois approximatif. Mais c'était génial, le mélange de cultures, d'aller manger les uns chez les autres. Un jour, ça pouvait être le cochon grillé chez les Yougoslaves à l'orée des bois. On amenait nos tartines pour les mettre sur la braise, en dessous du cochon, et on mangeait les tartines avec le gras dessus. Ça fait réagir. Aller manger un couscous fait maison chez une autre copine. Mais ça, vous avez l'impression que ça n'existe plus aujourd'hui parce que là, on a l'impression que vous parlez de valeurs, des relations humaines, d'une certaine unité. Voilà. Finalement, non, c'est plus du tout la même chose, non. Moi, je pense qu'il y a des endroits quand même où on retrouve une certaine unité. On vit dans une époque là où on est plus... chacun habite dans sa maison, dans son immeuble. On se dit peut-être à peine bonjour. Ah oui ? Ouais. C'est triste. Moi, c'est le sentiment que j'ai, oui. Oui, c'est triste. Mais c'est de l'individualisme. Oui, c'est ça voilà, qui, tout à fait. Que vous décrivez. Nous, on partageait tout. Quand il y a eu des grèves à la mine, et que, bon, à cette époque-là, quand il y avait des grèves, celui qui faisait grève, il n'était pas payé. Le voisin, il nous filait des pommes de terre, des œufs, voilà. Il y avait une solidarité qui était plus importante aujourd'hui. Oui, oui, la solidarité était là, que là, c'est. Non, c'est plus pareil du tout. Ça peint un tableau un peu sombre quand même de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est un peu sombre, oui. Je l'admets, mais c'est ce que je ressens, moi, en tout cas. D'accord, vous avez le droit de le dire. Pierrette, un petit avis sur tout ce qui se dit ? Oui, c'est plus comme avant. Hein. Au niveau des relations humaines, au niveau de quoi ? Je trouve que les gens, ils sont plus personnels et... Alors, on a parlé des nouvelles technologies. On a évoqué tout à l'heure le téléphone portable, mais on a pu discuter hors antenne également du GPS. Par exemple, alors, GPS, bonne trouvaille, mauvaise trouvaille, est-ce que c'était mieux avant avec les cartes routières ? C'est pas que c'était mieux là avant, on peut pas dire ça. C'était différent. Mais moi, je dis que c'est bien maintenant, on a juste à appuyer sur le téléphone portable, sur une application, on rentre l'adresse où on veut aller, le GPS communique avec trois satellites, puisqu'il en faut trois pour trianguler. Et ils nous y emmènent. Mais avant, c'était même un moment... moi, je me rappelle mes parents, ils étaient des fois pas d'accord sur la carte, pas passer par là, etc. Puisque le GPS les vacances, met tout le monde d'accord, du coup. Voilà, c'est ça. Mais ça avait un côté aussi où la cervelle travaillait. Et pareil que pour le téléphone portable, on en discute là. Mais combien de numéros de téléphone on connaissait par cœur ? Oui, ça c'est sûr. Et ça, automatiquement, c'est un travail qu'on a. Un travail de la mémoire vive, elle est là. Et ça, on le fait moins. Mais est-ce que toute cette nouvelle technologie... qui aujourd'hui nous apporte, alors on l'a évoqué, la télé, la machine à laver, le frigo, on a parlé notamment des marchands de glace qui passaient, moi je ne connaissais pas, mais du marchand de glace qui passait pour remplir le frigo, mais ces nouvelles technologies qui sont arrivées, elles nous font gagner du temps, elles nous laissent plus de temps maintenant pour tout ce qui est tâches ménagères, mais est-ce qu'on l'utilise bien ce temps ? Oui. Oui. Puis maintenant, on a quand même, il y a les ordinateurs, tout ça. Le téléphone, moi, je joue avec mon téléphone. Morissette, elle tient à ça. Elle joue avec son téléphone. Vous jouez à quoi ? Oh, je fais du Scrabble, je fais du... La généalogie ? Non, la généalogie, c'est pas sur ça. Sur l'ordinateur ? Oui, sur l'ordinateur, la généalogie, mais c'est pas sur le portable. Mais le Scrabble, là, en l'occurrence, on est sur une activité qui fait travailler les ménages. Voilà, c'est ça. Parce que, on a... On ne fait plus travailler les ménages, comme vous dites, pour les numéros de téléphone, tout ça. Mais bon, on s'en sert pour autre chose. Pour autre chose. Pour autre chose. Pour des jeux, pour toutes les recherches qu'on veut faire aujourd'hui, on a tout à portée de main quand même. Faut pas cracher dessus quand même, parce que bon, il y a eu plein d'évolutions qui sont quand même superbes. Bien sûr. On est content de les avoir. Enfin bon, moi je suis heureuse de tout quoi. Bah, tant mieux. Voilà. Et Michel, à côté de vous? Moi, le GPS, personnellement, c'est bien si ça nous emmène sur la bonne route. Parce que je connais une personne qui s'est retrouvée dans un chemin de terre. Ah oui, ça arrive, ça. Oui. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas de GPS dans ma voiture. Enfin, je l'ai maintenant sur mon téléphone. Mais j'aime bien voir où je vais en regardant les cartes. Je marque les villes et j'aime bien savoir où je vais avant de partir. Parce que je ne fais pas confiance totalement à la technologie, moi. Est-ce qu'avec une carte routière, on se retrouvait jamais dans un chemin de terre? Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est arrivé à Gérard. Ah oui, oui. Oui, oui. Je montais en Belgique assez souvent. Et à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle le ring, c'est le périphérique. Et là, tout avait changé. Tout avait changé. Les sorties, c'était plus les mêmes. Ils avaient tout dévié. Et la carte, elle n'était pas au courant de tout ça. Même si sur certaines cartes, vous mettait le sens interdit et tout ça. Et je montais donc à Malines, là d'où était ma mère. Et on a fait 3 fois le tour. Parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. J'avais des repères. Par la carte, je savais. Mais la carte, elle ne savait pas que la route que je prenais avant, elle était maintenant dans l'autre sens. Et puis voilà. Donc ça peut arriver pareil. Ça arrive aussi avec le GPS. Ouais, le GPS qui l'aide bien, c'est ce que tu disais, là, tomber dans une voie non carrossable, ils appellent ça les GPS. Il suffit de décocher une petite case. C'est pareil, on a affaire à une machine qui obéit à ce qu'on lui fait, à ce qu'on lui programme. Donc si tu n'as pas coché la bonne case, et qu'elle s'aperçoit que tu vas faire une économie de temps et de route en passant à travers champ, elle va te le faire faire. Elle est programmée pour. Donc ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la peine de prendre le GPS et de le balancer par la porte. C'est pareil avec l'ordinateur, il ne faut jamais s'énerver sur l'ordinateur, même si c'est énervant des fois. Mais de toute façon, c'est la faute de l'opérateur, c'est pas la faute de la machine. Mais oui, c'est mécanique qui répond à ce qu'on lui demande, en principe. Je vous propose qu'on marque une petite pause en musique et puis après, on enchaînera avec Michel. J'aurais une question à poser à Michel parce que juste avant cette émission, elle nous parlait de la machine à laver qu'elle a connue, elle, quand elle était petite. Ce serait intéressant qu'elle nous raconte. On va marquer une pause avec Julien Clerc, Ma préférence, une jolie chanson qui faisait l'unanimité autour de cette table. Donc, je vous invite à la partager ensemble et on se retrouve tout de suite après. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cet air d'indifférence qui est sa défense fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance, je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence. À moi, il faut le croire. Moi seul, je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi. Retour à l'antenne dans l'émission Les Retraités s'activent. Vous êtes sur Radioactive. Cette émission, c'est la deuxième que nous réalisons ensemble en compagnie de Gérard, Morissette, Michel et Pierrette. Je n'ai pas fait de doublon, c'est qu'elles sont deux. Donc nous avons parlé aujourd'hui d'un thème qui est « Est-ce que c'était mieux avant ?» Donc on a pu aborder l'aspect nostalgie d'autrefois, du sentiment de sécurité qui régnait davantage quand vous étiez plus jeune. On a pu parler également du GPS, des nouvelles technologies. Hein. Donc on est d'accord que les nouvelles technologies, c'est plutôt quelque chose qui est mieux aujourd'hui pour un certain nombre de choses qui nous facilitent la vie. Hein. Et justement, on était en train de parler, juste avant cette pause en musique, de la machine à laver. Et Michel, elle va nous raconter quelle machine à laver elle avait quand elle était jeune. Alors, la machine à laver, tout un programme. Donc, c'était une simple cuve avec des ailettes qui brassaient le linge. Hein. Il fallait mettre la tournée avec la lessive ou le savon noir, ça dépendait. Changer l'eau, remettre l'eau pour le rinçage et pour l'essorage, ces fameux deux rouleaux. Ça, c'était ma tâche, comme quoi c'était un travail collectif. C'était ma tâche de prendre les vêtements que vous insériez entre les deux rouleaux et vous tourniez la manivelle pour essorer tout ça. On ça. A le geste avec. Voilà. Et moi, je trouve que c'était sympa, mais bon, je tiens à vous dire quand même que je préfère ma machine à laver de maintenant. Hein. J'appuie sur un bouton, je peux même la programmer quand je suis partie par mon téléphone. Ça, c'est super. Mais ce sont des bons souvenirs. Voilà, d'échanges en plus avec ma mère, tout simplement. Voilà. Oui, parce que ça demandait plus de temps et puis c'est un travail d'équipe, comme vous le disiez. Oui, donc oui. C'est du temps qu'on partageait ensemble. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Pierrette, vous avez connu ça aussi ? Pas la même. Il fallait l'allumer par le gaz. Il y avait une rampe en dessous. Mm-hmm. Et quand on voulait faire bouillir le linge, et ben, il y avait une bouteille de gaz et on allumait la rampe. D'accord. Oh, c'était dangereux un peu quand même. Non, c'est comme quand vous allumez un four. Oui, c'est, d'accord. C'est exactement le même principe. Et puis, il fallait vidanger. Il fallait remplir la machine aussi avec le tuyau. Mmh. Et puis, on l'a vidangé à la main. Mais c'était plus moderne que Michel. Mais alors ça, vous parlez des années. De quelles années, ce type de machine à laver, mesdames? Là, ça date de quand, tout ça? Bah, je ne sais pas. Je suis née en 58 et j'ai dû commencer à essorer avec ma mère. Je devais avoir 5 ans. Donc au début des années 60, on avait ce type de machine à laver. Avant 60, parce que moi je suis de 55 et j'ai toujours connu cette machine. Ah oui. Ouais. Et j'ai fait comme Michel, on a essoré le linge entre les deux rouleaux là. Et par contre, nous c'était du bois, c'était pas du gaz en dessous de la machine. Ouais. Et alors le frigo ou le marchand de glace passé, c'est pareil, c'est la même époque. Alors là, on voit Morissette qui a attention, là, elle a connu. Ça, c'est ce que j'ai connu. Ça, c'était dans les années 55, parce que moi, je suis de 45, donc c'était bien après. Il y avait le marchand de glace qui passait dans la rue à nous vendre des carrés de glace. Mm-hmm. Alors, on achetait ça pour mettre dans des sacs, parce qu'on n'avait pas de frigo, on n'avait pas tout ça. On mettait ça dans une bassine, il passait tous les jours. Et tous les jours, on achetait de la glace quand il faisait chaud. Oh, dis donc, Gérard a connu ça également, oui. Moi, je suis 56 et j'ai connu ce système-là. D'ailleurs, on n'appelait pas ça un frigo, c'était une glacière. Ouais. Et moi, le glacier, enfin, l'usine à glace, elle était deux rues chez moi. D'ailleurs, cette usine, après, elle s'est transformée, c'était Buitoni. Ils faisaient les raviolis. Ah oui, ouais, parce que quand ça a disparu, les usines ont changé. D'accord. Et on appelait ça des pains de glace. On allait chercher les pains, c'était très lourd. Si bien qu'avec mon petit frère, on avait une combine, c'est que on le foutait sur une couverture et on glissait par terre. Mmh. On glissait comme ça et on mettait. Arrivé là-bas, mon père coupait le truc en deux et on mettait la moitié d'un pain dans le haut où c'est le congélateur maintenant, le freezer. Là, il n'y avait rien. Et puis, ça fondait, la flotte était récupérée. La flotte, elle servait à l'arrosage des plantes parce que soi-disant que c'était meilleur. Et puis, c'est qu'après, on a eu les premiers frigos, comme je te disais tout à l'heure, où on peut s'enfermer dedans. Oui, quelle idée. Ah oui, parce que c'était un système mécanique, de poignée. Il fallait ouvrir, et total, si tu arrivais à t'insérer dedans, notamment mon petit frère, il rentrait en dessous. Ça sent le vécu, ça. Hein. Il a dû enfermer son petit frère. Non, c'est pas moi qui... Non, j'aurais jamais fait ça. Quoique. Non, il a dû finir sous la table ce jour-là, Gérard. Ah oui. Là, c'était la punition. Oui, c'est ça, ouais. Ça se passait quand on avait fait trop de bêtises, on finissait sous la table. Et d'ailleurs, quand on savait nous-mêmes qu'on avait un peu exagéré, on allait d'office sous la table. Bien que mon père savait qu'on avait fait des bêtises. Voilà. Et en termes d'objets anciens, il y a quelque chose qui me vient en tête. Je ne sais pas si c'est de cette époque-là ou plus ancien. Je m'en excuse si c'est le cas, mais les fers à repasser où on mettait la braise dedans, c'est plus ancien, ça, quand même. Oui. Ah oui, non, excusez-moi. Je ne sais pas. Hein. Il y a des traditions comme ça qui sont restées très longtemps. Oui, non, mais j'ai vu ce fer à repasser avec... Mais c'est mon arrière-grand-mère qui... Ah, d'accord. Ma grand-mère utilisait le fer qu'elle mettait sur la cuisinière pour le chauffer. Ah oui, d'accord. Pas celui où on mettait le... D'accord, oui. Et même elle s'en servait encore, elle est décédée en 93. Et il y a des fois, elle préfère utiliser encore ce fer que de prendre le fer électrique. Oui, c'est des habitudes. Mais... Le souvenir que j'ai du fer à repasser, c'est sans vapeur, hein, faut pas rêver. Hein. C'était juste une semelle qui chauffait. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, ma mère avait été très contente parce qu'on était en 110 volts. Et EDF avait décidé, c'est dans les années 60, ils ont tout changé le système, on passait en 220. Et du coup, ils remplaçaient, tout l'électroménager qu'on avait était remplacé. Donc là, ma mère avait eu des choses un peu plus élaborées. J'ai souvenir de ce moulin à café, etc. Je l'ai toujours. Mais moi, c'était juste une semelle avec une résistance dedans qui chauffait. Et la pâte mouille. La pâte mouille, ça je connais aussi. On sert toujours de la pâte mouille. On sert plus de la vapeur quand même. Oui, moi je me sers encore de la pâte mouille pour certains vêtements. Bon, bien sûr, il y a la vapeur maintenant, mais c'est vrai que c'est une habitude que j'ai gardée pour certains vêtements délicats. Oui. Tout simplement. Oui, moi aussi, mais pour certains tissus, certains vêtements. Bon, autrement, moi, ma mère, elle avait un fer à repasser normal. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un fer à repasser à poser sur le fourneau pour qu'il chauffe. Si, moi, ma grand-mère, mais ma mère, je ne me rappelle plus, mais ma grand-mère, je la vois repasser. Par contre, j'ai connu le moulin à la main pour moudre le café. Bon, le moulin électrique est arrivé plus tard. D'ailleurs, je l'ai encore, celui de ma mère. Morissette, elle en parlait tout à l'heure du moulin à café. Ouais, le moulin à café, on faisait ça le soir pour préparer le café pour le matin, parce que le matin, il partait de bonne heure travailler. Alors, on mettait ça entre nos cuisses et puis on tournait. Oui. Mmh. Et c'était chacun notre tour. Et l'odeur qu'il y avait dans la maison. Oui. Oui, Gérard parle de l'odeur, oui. Avec la chicorée. Ah oui. Ah oui. Ah, Pierrette, la chicorée. Oui. Alors, c'était quoi la chicorée? On mettait... La chicorée au rond. Oui. C'est quelque chose qu'on ajoute... Je ne connais pas bien, moi, la chicorée. C'est quelque chose qu'on ajoute au café? Les anciens. Oui. D'accord. Mais c'est quoi, en fait? Ils mettaient ça dans le café parce que, ça faisait moins de café. C'était plus économique avec ça. C'est une racine et ça existe toujours. Vous en trouvez toujours? Oui, il y en a toujours. Je le fais toujours, moi, personnellement. C'est un petit goût de caramel. Les gens, les anciens, s'en étaient beaucoup servis pendant la guerre, puisque l'une des premières choses qui avait disparu, c'était le café, puisque les importations étaient bloquées, tout était... Donc, il y avait plein de ce que les Allemands appelaient l'ersatz, c'est-à-dire le faux sucre, le faux café, etc. Mm. Mais je n'ai pas connu ça, moi. Ah non, tu es plus jeune. Ouais. Mais tu n'as pas connu non plus. Non, moi je suis née après. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas tellement évoqué, c'est la médecine, la santé. Alors là, il y a eu quand même de très belles évolutions. Ouais. C'est quoi vos souvenirs de quand on était malade, petit? Est-ce qu'on trouvait un docteur tout de suite? Est-ce qu'il y avait un docteur près de chez soi? Comment ça se passait? Alors, chez moi, oui, il y avait un docteur, parce que nous étions trois et nous étions souvent malades. Et puis, à 6 ans, j'ai fait une méningite et une septicémie. Donc, j'ai été 4 mois à l'hôpital. Après, j'étais en maison de repos, tout ça. Et quand je suis arrivée avec la septicémie, eh ben, j'étais une miraculée. Parce que beaucoup de gens mouraient. Oui. Et moi, j'ai été sauvée. Je suis une rescapée. Ça laisse sans voix. Mais la prise en charge était bonne quand même à l'époque. Hein. Oh oui, moi, je n'ai pas eu à me plaindre. Mes parents ne s'en sont jamais plaints. Non, j'ai été bien soignée. Puis quand on voit l'évolution d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait. Oui. Et heureusement. C'est indéniable. Et oui. Gérard ? Alors, à la fois, il y a eu du progrès, c'est sûr. Mais dans la gestion de la personne, il n'y a pas eu de progrès. Parce qu'au fur et à mesure des années, les différents décideurs ont quand même déshumanisé. C'est-à-dire qu'on vous donne un temps maintenant. Moi, je me rappelle, on avait la chance, le médecin, il habitait dans notre rue. Et c'était le médecin qui nous avait mis au monde, le docteur Niveau. Donc, il nous connaissait très bien. Et j'ai des souvenirs où, à 4h du matin, on allait sonner à sa grille et il venait. Je le revois très bien avec le par-dessus et en pyjama dessous. Ah oui. Allez faire ça maintenant. Mmh. Mmh. Maintenant, c'est les urgences et encore, quand elles sont encore ouvertes, puisque les coupes font que tout s'en va. Moi, j'estime que notre génération d'après-guerre, c'est nous qui avons profité du plus de tous les avantages qui ont été donnés par la suite, quoi. Le président de l'époque, le Conseil national de la résistance, qui ont dit que bah non, on ne va pas retourner au boulot comme ça, il va falloir changer les choses. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Si vous comparez 39-45 à 14, ils ont, après la guerre, ils sont repartis tous au boulot, tout était bon. Que là, on a dit non. Les gens ont dit non, ça ne peut pas durer comme ça, les soins, etc. Et les premiers souvenirs que j'ai, moi, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est les files d'attente à la vaccination, on allait au dispensaire. Oui. Et les amygdales, où on était les uns derrière les autres. Le toubib, il était assis, ça je revois fou. Encore. Avec le tablier, on aurait dit un boucher. Moi, c'est le généraliste qui m'a opéré des amygdales. Ah oui, les médecins généralistes opéraient. Chez lui, il avait un petit cabinet et j'ai une de mes sœurs qui était plus âgée que moi. Et moi, j'ai été opérée chez lui. D'accord. Avec ma sœur. Et moi, j'ai souvenir aussi une nuit qu'il est venu en pleine nuit parce que j'avais une plus de 41 de température. Il se déplaçait, on ne nous disait pas, ah ben non, il se déplace que mardi matin, parce que j'ai connu ça il y a 5 ans. Et les médecins, quand même, ils avaient une vie plus dure hein, pour moi à cette époque-là, mais on pouvait vraiment compter sur eux. C'est-à-dire que les techniques ont évolué, mais la prise en charge, la prise en compte, finalement, des personnes, elle a plutôt régressé, selon vous. Oui. Mais ce n'est pas forcément de la faute des médecins. Non, ce n'est pas eux qu'il faut remettre en cause. Ah, je sais parce pas qu'eux ce que sont malmenés aussi. Ah, oui, c'est pas ce que je dis, bien sûr. Voilà. Vous partagez cette opinion, Pierrette ? Oui. Ouais. Vous avez eu aussi un médecin de famille qui était proche et qui était disponible ? Oui, et comme Michel, pour les amygdales, c'est pareil. Moi, j'étais opérée aussi par un médecin. Oui. À la maison ? Non, pas à la maison. Mmh. Et les naissances à domicile, est-ce que c'était quelque chose qui était aussi monnaie courante ? Moi, j'ai un frère qui est né à domicile. D'accord. En quelle année ? En 48. Ah oui ? D'accord. Ouais, mais Michel, pour revenir à tout à l'heure à l'hôpital, enfin au médecin, moi, le médecin, j'ai été 4 mois à l'hôpital, et le médecin, mon médecin de famille, il venait me voir parce qu'il venait à l'hôpital tous les jeudis. Tous les jeudis, il est venu me voir pendant 4 mois. Ouais. Ah ouais, donc c'était au-delà de la médecine. Ah oui, oui, oui. Là, on était vraiment sur un rapport presque familial. Oui, oui, oui. Ah, oui. Tous les jeudis, il est venu me voir. Mm-hmm. Mon médecin, il restait des fois manger. Il y avait un lien, vraiment, il y avait un lien. Oui. Michel, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, moi, on devrait être 9 enfants. Il n'y a que la dernière qui est née à l'hôpital. Mais ma mère, elle nous a dit, moi, j'ai une sœur jumelle. Mm-hmm. Si elle avait su qu'elle attendait des jumelles, elle serait accouchée à l'hôpital parce qu'elle a failli y rester. Ah, dis donc, oui. Elle a fait une hémorragie par la suite et donc mal soignée. Mais à cette époque-là, c'était... D'ailleurs, ça a été obligatoire à l'hôpital que dans les années 65, quelque chose comme ça, puisque ma sœur est de 66. C'est pour ça qu'elle est née à l'hôpital. Autrement, c'était courant que à la campagne, je parle. Hein. Mmh. C'était courant de naître à la maison. À la maison. Marquée devait s'amuser à l'état civil, hein, parce que ça faisait beaucoup plus de lieux de naissance qu'aujourd'hui, finalement. C'est le papa. En général, c'est le papa qui allait déclarer à la mairie. Oui. C'est pas l'état civil qui bougeait, c'est le papa qui partait là-bas. Ouais. Le papa, fallait qu'il ait l'esprit clair. Oui. Ah oui. Parce que pour le mien, il avait dû arroser ça. Et moi, je m'appelle Gérard. Et pour l'État français, je m'appelle Gérard-Jean. Parce qu'il avait dit que oui, il y avait un tiret. Et j'ai un prénom composé, je m'appelle Gérard-Jean. D'accord. J'aurais pu le corriger, mais... Une fois que c'est écrit, après, voilà. C'est écrit. C'est Michel aussi, vous partagez ce constat. Ah bah oui, ma mère, ses premiers enfants, elle a accouché à la maison. Elle a fait aussi pas mal de fausses couches, malheureusement pour elle. Moi, par contre, je suis née à l'hôpital. Elle a voulu monter les marches et elle n'a pas réussi à arriver jusqu'à la chambre. Elle a couché dans le couloir. Oh, yeah, yeah. Voilà. Et c'est ce qui fait que plusieurs années plus tard, vous êtes devenue aide-soignante. Oh, c'est... je crois. C'est pas pour ça, mais bon. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même notre médecin traitant, vraiment le médecin de famille qui nous suivait. Ou alors, on allait au dispensaire. Mais c'est vraiment plus la même chose. Hein. Même le lien entre le patient et le soignant, c'est plus le même. Je peux en parler puisque je suis une ancienne soignante, c'est plus du tout la même chose. Et ça se dégrade de plus en plus. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mais c'était les sages-femmes à cette époque-là. Hein. Ma mère, c'était une sage-femme qui venait à chaque fois. Ou le médecin de famille, ou des sages-femmes. Ouais, c'était ça. Comme quoi, ce sujet, on pourra en parler pendant longtemps. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, et plein de choses qu'on n'a sûrement pas balayées. Pourquoi pas y revenir dans une prochaine émission. En tous les cas, c'était un vrai moment sympathique à partager ensemble. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission avec une autre thématique à laquelle nous réfléchirons ensemble. Mais cette fois, c'est moi qui viendrai vous voir, puisque je viendrai au Myosotis. On aura pu, en tous les cas, définir une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles c'était mieux avant. Mais il y en a d'autres où on est quand même pas mal à notre époque. Oui. Eh bien, merci à tous les cinq d'être venus aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Les Retraités s'activent. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci. Merci.